Le séminaire scientifique international de l'Université Kim Il-sung aura lieu les 9 et 10 courants de l'an 106 du Juche 2017. Au séminaire scientifique international qui se tiendra sous le titre « La protection du éco-environnement et le développement de la médecine et de l'agriculture » seront exposées les réalisations de recherches du dernier cri dans les domaines de la science d'environnement, de la médecine et de l'agronomie, en présence des grands savants de l'Université Kim Il-sung, des universités et des établissements de recherche scientifique de divers pays.